Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. À roue en fond, plus vrai que les infos, du vécu enfin. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. Les mains sales et l'amour du risque, c'est dans les gènes, c'est dans le sang. On garde les nerfs à vif, arrêtez de parler dans le vent. J'rentre pas dans le rang, pas de manière, j'ai pas le temps. Nous on s'en branle du danger, on te braque sans prendre de gants. Et l'argent change de camp, comme la plupart des gens. Moi j'ai passé ma vie défoncée la plupart du temps. Tu sais que j'ai toujours un petit sac d'herbe au fond de la poche. Une petite lame pour te la mettre au fond de la gorge. À fond on rôde, on roule, on se démerde, on se débrouille. Et on s'en bat les couilles. À fond. On joue tous pour le pèse, tout gagner ou tout perdre. Sans forcer on te baise. À fond. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Ou en fond, plus vrai que les infos, tu fais plus enfin. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. Sonne l'alarme de Mars à Paname, toute ma zig de favelas, on chasse les liasses. Carter de trois pétards, de trois pétasses, on vise le bif de Las Vegas. Celui qui fait briller les yeux, t'as une villa, une Ferrari, on fait brûler les deux. Arrête de jouer le dingue, tu vas pas repartir entier. Tu vas rien faire avec ce flingue, à part peut-être te tirer dans le pied. J'garde la foi, la tête froide et le sang chaud. J'compte mes amis sur les doigts de la main d'un manchot. C'est toi de ton show qui vient niquer ton show. Le son fait sonner les portes, qui bougez les bonnes gos. Videz les bouteilles, faites briller les bretlines. Pas celui son oseille et les clés de sa berline. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Ou en fond, plus vrai que les infos, tu fais plus enfin. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. Les tocs se lèvent au champ du col, tu mixes la coque et l'alcool. À l'aise, je vogue dans les eaux troubles du fleuve Pactole. Toujours plus de billets, les envieux peuvent épier. J'détourne un Airbus et je m'en sers comme voiture bélier. À fond, on rôde, on roule, on se démerde, on se débrouille. Et on s'en bat les couilles. À fond. On joue tous pour le pèse, tout gagner ou tout perdre. Sans forcer, on te baise. À fond. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. Avec nos vies chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin. À roue en fond, plus vrai que les infos, du vécu enfin. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. J'tire mon chapeau aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos.